Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Finally.

Tout le monde est faroté. Voyons faroté. Voyons faroté. Jusqu'à dire qu'il n'y a pas faroté. Tout le monde est faroté. Voyons faroté. Voyons faroté. Comme si dit qu'il n'y a pas faroté. Tout le monde est faroté. Voyons faroté. Voyons faroté. Jusqu'à dire qu'il n'y a pas faroté. Tout va. Bana bana kole la susi mokili kole la yebi sanga from si le jeni depuis la province ya eh mama eh we ya farote eh we ya farote from si dige banani naga jusqu'à dige banani naga ekeli dige banani naga rome dige banani naga don si banani naga womani naga womani naga womani naga ni naga ni naga ni tabukulu tabukulu tabukulu tabukulu tabukulu tabukulu cha atu tu tu Chuba, c'est Kamabe, Ata, Atu, tout, tout. Ouais, le grand Lévis, Seigneur Fakir, écoute ça. Dozali, Kito, Tobosi, Bosiana. Ouais, y'a plein de génies chantés pour toi, et mon frère, et maman, et maman. Ouais, y'a réconciliation nationale, et déposer les âmes, et maman, et. Chuba, ouais, Zalangé, Flamzi, le génie, la flamme du futur, toujours. Également la présence du papa au bout, Jérémy, la sous de la gloire. Maître Aka Philippe également. Flamziki avec la nouvelle danse. On y va. Chokoro tofoko soko moko toko moko chi chon. Allez, on répond. On y va. Soit un. Chokon chokon chokon chokon teke teke teke te. Attends, coton. Teke te. Attends, coton. Tokon ton. Attends, coton. Teke te. Attends, coton. Tokon ton. Krikata soa. Krikata soa. Krikata soa. Krikata soa. Krikata krikata krikata soa. Krikata soa. Krikata soa. Krikata krikata krikata soa. Boga. Boga gesigiba. Boga gesigiba. I say come on me. Boga gesigiba. Boga gesigiba. Suma. La vision, la référence des hommes forts de la source toujours. Les allongés, c'est ça qui est bon, Abidjan. Ouais, tous les mêmes. Tous les monnaies, c'est ça qui est bon, la prudencia. Tous les monnaies, on y va, c'est ça qui est bon, la prudencia. La prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, la prudencia, tu y es là, attraper les gens qu'a dit que tu y es là, attraper les flammes sur le génie, tu y es là, tu y es là, tu y es là, tu y es là, tu y es là, tu y es là, Suzy bana kolela, bana yebisanga bana tozali, imama. Aie pitié de ton fils, jusqu'à dit que, aie pitié de ton fils, flamme sur le génie, parce que tata zambé, c'est toi le dieu des dieux. Aie pitié de ton fils, c'est parce que la guerre c'est pas moi, hein. S'amuser mal la guerre c'est plus doux que pas la baie. Mes frères mettent dans la main, c'est ça qui est la vérité, hein. On va galoper, hein. Il crie kata, crie kata, crie kata, crie kata, crie kata, crie kata, crie kata, il pan ou pan. Nous sommes où t'en, nous sommes où t'en, nous sommes où t'en. Tout le monde est le portable à l'air. En défaut des portables, soulevez les bouteilles. Il va rôter ma, il va rôter des, il va rôter ma, il va rôter des, il va rôter ma. Coupé décalé, va à Bamako, c'est le coupé décalé. Va au Sénégal, c'est le coupé décalé. Tu vas à Paname, c'est le coupé décalé. Va à Paname, c'est le coupé décalé. Sati Mamoko. Ah. Sati Mamoko. Ah. Sati Mamoko. Ah. Sati Mamoko. Ah. On a pris l'ancien décalement, travaillement. On va couper décalement, travaillement. On va couper. Ha, Joy Bay, toujours dans le Nicolobo. Tchou les gars, tchou les gars, tchou les gars, tchou les gars. De personne, on va vous couper. En attendant, il faut décaler. Personne peut stopper. Personne peut stopper. Plus de personne, on va vous couper. En attendant, il faut décaler. Personne peut stopper. Personne peut stopper. Charlie Marco et Daddy Mori. M.A.I.C. Ah ouais, s'appelle Technicon. Je semé. Je semé. Je semé. Je semé. Ah ah ah. Va à Abidjan, c'est le coupé décalé. Va à Bamako, c'est le coupé décalé. Va au Sénégal, c'est le coupé décalé. Tu vas à Paname, c'est le coupé décalé. Ben Willy, le ministre de la Brodade. C'est pour toi ça mon frère, casse manteau. Yeah bo, déjà même là, on est fatigué de conneries man. Brink, brink, brink, brink, brinké. Danser, mouler, j'ai des jambes. Poupée décalée, décalée poupée. Poupée décalée, décalée poupée. Oh, à gauche, à droite. Aïwa oh, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa oh. Aïwa oh, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa, aïwa oh. Va à Abidjan, c'est le coupé décalé. Va à Bamako, c'est le coupé décalé. Va au Sénégal, c'est le coupé décalé. Abidjan, c'est le coupé décalé. Va à Bamako, c'est le coupé décalé. Va au Sénégal, c'est le coupé décalé. Tu vas à Paname, c'est le coupé décalé. T'es court dans la salle, on te voit même pas là-bas. Tant qu'il y aura des guerres, les seigneurs de guerre vivront une vie pépère. Les civils, nous qu'avons de gun pardon. Et en Afrique, les guns chats résonnent. J'ai vraiment du mal à y croire. Peux-tu se regarder dans un miroir? Après avoir fait autant de mal en vendant des hommes en Côte d'Ivoire. Les conflits en Afrique font que les seigneurs de guerre s'enrichissent. Et ça se passe de père en fils. Les conflits en Afrique font que les seigneurs de guerre s'enrichissent. Et de nos fils, les gars s'enrichissent. Les signalins, ils vendent des guns sans vergogne. Ils veulent voir les pays sous-développés.

When she wash and close it dirty, girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash for me, girl, you not ready. If you know you're pretty, flirty, flummy. You pretty face and bad character. Then the kind of living can hold you. I know.